Il revient de son tournoi à Québec où il a terminé au 9e rang. Ça a été des hauts et des bas pour la fin de semaine pour Kevin Fortin-Simard. Une bonne dernière journée a fait en sorte qu'il a remonté au classement. On lui parle. Salut Kevin! Kevin, ça n'a pas été nécessairement facile. Hein. J'ai raison de dire des hauts et des bas. Oui, c'était en montagne russe, pas mal toute la fin de semaine. Ça n'a pas été facile, en tout cas, du moins, pas mal moins facile que l'année dernière. Là. Mettons que j'avais pas du super bon golf avec moi pendant les 4 jours. Fait que je me suis bien battu pendant toute la fin de semaine. Ça a donné un résultat quand même assez intéressant. Fait que c'est pas décevant pour tout, c'est même très fait. OK. C'est quoi, en fait? C'est-tu le vent? C'est-tu la complexité du terrain? Parce que semble-t-il que le terrain est assez complexe. C'est-tu un peu ça qui a fait en sorte que ça a été plus difficile? Pas tout à fait, parce que c'est quand même un terrain que je connais assez bien. Là. Non, ça a été surtout, c'est assez facile à expliquer. J'ai pas pris avantage du Normal 5. Là. Il y a 5 Normal 5 sur le parcours qui s'atteignent toutes en deux. Okay. Puis avec ma distance, j'ai pas. C'est normalement quelque chose que. C'est ces trous-là qui sont normalement mes chances vraiment de prendre des coups sur tout le monde. Puis j'ai joué la normale là, sur des 20 pendant la fin de semaine. Fait que c'est sûr que ça, c'était clairement pas assez bon pour être capable de compétitionner là, pour la première année. OK. Est-ce que c'est difficile, là, parce que je parlais avec Rémi Bouchard cette semaine, tu sais, tu joues pas nécessairement tout le temps sur niveau compétition. Tu fais cette année, c'était la deuxième fois, tu t'es qualifié. T'es allé aux États-Unis, ça a été quand même assez positif. Là, c'est le Québec Open. Mais est-ce que c'est difficile de jouer à haut niveau quand quelqu'un on pratique pas souvent? Ben, c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que le matin où je me lève puis le golf est bon, c'est pas difficile à gérer. Okay. Même très très facile là, mais c'est surtout les journées qui sont un peu plus dures qui sont tough à passer à travers là, parce que justement là, moins tu joues, moins tu compétitionnes, on dirait que le coffre à outils ouais. est pas mal moins grand puis les ressources sont pas mal plus petites là, fait que mettons que j'ai eu de la misère à mettre le doigt sur le bobo pas mal toute la semaine, mais j'ai réussi à mettre des petits plasters à gauche et à droite pour essayer de m'arranger. OK. Mais c'est pas comme un joueur de hockey. Un joueur de hockey qui s'absente pendant du temps, qui joue pas régulièrement, perd la fraction seconde. Cette fraction seconde-là qui fait qu'en sorte qu'il va faire peut-être la Ligue nationale ou pas. Mais c'est pas la même affaire que tu me dis, là, le golf et le hockey de ce côté-là. Là. Non, ben pas vraiment. Ouais. Justement, au golf... t'engages, en tout cas, tu essaies de t'arranger pour jouer 72 trous, puis t'es justement attaqué, mais t'es exposé pendant 72 trous. Fait que du moment que ton golf prend un break, ben c'est sûr que ça paraît sans carte de pointage. Là. Fait que en général, justement, là, étant donné que mon golf était pour être qualifié de moyen, là, même peut-être un petit peu en dessous de ça, là, fait que c'était bien c'était même très bon de pouvoir réussir à finir dans le top 10 comme ça. J'étais bien content là, quand j'ai terminé hier. J'étais pas déçu de ça, loin okay. de là. Là, il se passe quoi de la fin de l'été? Est-ce que tu vas prendre d'autres compétitions? Est-ce que tu vas faire d'autres compétitions? Ah, j'ai pas vraiment planifié quoi que ce soit pour l'instant. Okay. Je pourrais peut-être, mais c'est sûr qu'avec le travail, ouais. c'est vraiment bien évident là, quand je prends une bonne semaine de congé comme ça parce que je veux compétitionner. C'est sûr que c'est bien le fun, ça fait bien différent, mais le retour au travail, ça demande du temps. Fait que ça, la première chose, ça va être vraiment d'aller au travail de la CGDO, puis d'être là, puis d'être avec mon staff, d'être avec les membres, puis la gang, puis de faire ça rouler comme il faut. Puis après ça, ben, je vais rentrer dans le jeu, vraiment, puis voir aussi si mon golf me donne envie d'aller en faire d'autres aussi, puis c'est le temps okay. de faire ça, mais entre-temps, ça va être le travail. Puis j'imagine aussi que quand on prend des petites vacances, on veut, quand on travaille à temps plein au golf, on veut pas nécessairement aller faire des tournois par la suite là, pour prendre ses vacances. J'imagine qu'on veut relaxer là aussi. Là. Ouais, ben c'est sûr que je peux pas qualifier la dernière fin de semaine comme une fin de semaine de non, vacances. Non, pas du tout. Vraiment pas, là, fait que je me suis suis pas reposé, mais pas pantoute. Fait que je retourne au travail, puis je vais pogner mon beat, mon train de vie un peu plus régulier là, d'été, justement. Puis après ça, ben, je vais rentrer en études. Si l'envie me prend de compétitionner jusqu'à la fin de l'année, puis que ça le permet, ben, je regarderai les options. C'est sûr qu'ils sont pas nombreuses. Okay. Hey Kevin, je veux te parler de Pierre-Alexandre Bédard. C'est le meilleur talent qui est sorti de la région depuis toi, en fait, là. Et j'ai parlé avec Rémi Bouchard vendredi, puis j'y disais que peut-être, c'est mon opinion bien personnelle, ce qui a manqué, Kevin, dans le temps, c'était de rouler les États-Unis pratiquement toute seule. C'est l'encadrement. Est-ce que, si tu aurais un conseil, parce que Pierre-Alexandre se dirige pas mal vers ça, là, ce que tu as fait, là. T'aurais-tu un conseil à donner à Pierre-Alexandre? C'est sûr qu'il y a un paquet d'affaires, ça va toujours être un peu quand il va regarder en arrière de tout ce qu'il aura fait entre-temps, ouais. Il va changer des petites choses, mais non, en termes de conseils, ça va être bien plus de, je pense, de prendre le temps de faire les choses. Il faut pas de principe pas non plus, pas de penser que le sommet ça s'atteint du jour au lendemain dans 2-3 ans. Là. Je pense que c'est peut-être une des choses que moi, quand je l'ai faite, je pensais que ça se faisait dans 2, 3, 4, 5 ans. Ouais. Mais justement, quand tu frappes le mur après ça, ben tu te rends compte que c'est assez loin. Là. Les étapes sont longues à monter. Fait que c'est de prendre le temps de faire les choses comme il faut, puis de surtout d'apprécier un peu aussi la chance de tu vas avoir justement de faire ça, puis de découvrir ce monde-là là, tranquillement, pas vite. Mais c'est sûr que c'est bien vivant tout le temps, puis c'est une belle aventure qui l'attend, puis pour l'avoir vécu, c'est un beau trip, puis c'est super beau. Ouais. Ben Kevin, un gros merci, puis on va s'en reparler sûrement un autre tantôt. Tu vas être là le 31 juillet à Québec, pas à Québec, mais à Saint-Prime, excuse. Oui, je vais être là le vendredi, je pense. Le 31 juillet, oui. Je vais être là pour le Skin Game en soirée. Effectivement. Yes, fait que on s'en reparle bientôt. Kevin Fortin-Simard de Saint-Prime qui a participé, qui a terminé 9e au Québec Open en fin de semaine.